Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Françoise Dolto au pays de l'enfance. Je crois que la liberté d'un enfant, c'est justement en dehors des heures nécessaires à la tutelle, de lui laisser toute liberté dans un endroit qui est en sécurité. Et puis de lui dire, dès que tu as une inquiétude, tu peux venir me demander. Et parler à un enfant en considérant qu'il est une personne en devenir, et non pas un animal domestique, mais c'est ça, respecter la liberté de se développer. Françoise Dolto à l'émission Rencontre en octobre 1972. Dans cet extrait, Françoise Dolto résume en quelques secondes la vision qu'elle a de ce que devrait être la relation entre un parent et un enfant. Et si certains estiment que Dolto a révolutionné notre rapport à l'éducation des enfants, a profondément changé notre manière de mieux les élever, d'autres l'accusent plutôt d'être la mère de l'enfant roi. Mais une chose est certaine, Françoise Dolto a joué un rôle fondamental dans la manière dont on conçoit l'éducation de nos enfants. Avec Françoise Dolto, c'est l'une des plus grandes figures de la psychanalyse en France qui disparaît aujourd'hui, l'une des plus grandes, l'une des plus populaires aussi, par ses ouvrages, par ses émissions et par sa pratique quotidienne de psychanalyste pour enfants, dont elle était une des pionnières. Elle avait toute sa vie durant, avec son parler clair et son souci du faire savoir, œuvré pour la cause des enfants. Les parents voudraient que leur enfant soit la réussite totale, qu'il ne soit jamais malheureux. Or, un enfant qui ne serait jamais malheureux, ce n'est pas un être humain. Un être humain ne peut pas ne pas être malheureux. À travers nombre de ses ouvrages, c'est cette vie quotidienne que Françoise Dolto a analysée, y compris dans les derniers d'entre eux. Elle venait à peine de les terminer. L'un d'eux était consacré à sa propre enfance. Vous l'avez connue dans la vie de tous les jours. Quel genre de personne était-elle ? Ah, extraordinaire. D'un optimisme absolument fantastique, d'une vitalité inouïe et toujours prête à, comment dire, toujours prête à encourager. Elle avait d'ailleurs ça en commun avec Lacan, encourager les autres à faire des choses. Extrait d'un reportage d'Annie-Claude Elkin diffusé à la télé française au moment de la mort de Françoise Dolto au mois d'août 1988. C'est son amie, la psychanalyste Elisabeth Roudinesco, que vous entendiez d'ailleurs à la fin de ce reportage. Pour nous rappeler l'importance de Françoise Dolto dans le développement de la pédopsychiatrie au 20e siècle, je reçois Caroline Eliachef, elle-même psychanalyste et pédopsychiatre, auteure du récent livre « Françoise Dolto, une journée particulière ». Caroline Eliachef est dans nos studios de Paris. Madame Eliachef, bonjour. Bonjour. Parlez-nous d'abord, déjà en écoutant cet extrait diffusé à la mort de Françoise Dolto, on en a un petit aperçu, mais pour vous, quelle place elle occupe dans l'histoire de la pédopsychiatrie au 20e siècle, puis plus largement dans l'histoire de la psychiatrie au 20e siècle, Caroline Eliachef? Écoutez, je ne dirais pas qu'elle occupe une place dans la pédopsychiatrie ou dans la psychiatrie, elle occupe une place dans la psychanalyse. Oui. Les pédopsychiatres et les psychiatres peuvent l'avoir appréciée, mais ils l'ont plutôt largement ignorée, alors que dans l'histoire de la psychanalyse, elle occupe une place vraiment très importante. Quelle place? Comment définir l'importance qu'elle a eue, justement? Alors, en deux mots, c'est pas facile. C'est-à-dire que, d'une part, elle a été une des grandes figures de la psychanalyse, mais ce qui la distingue des autres grandes figures de la psychanalyse, Anna Freud, Mélanie Klein, enfin, je pourrais en citer beaucoup, car elle n'est pas unique, c'est la volonté qu'elle a eue de faire savoir à tout le monde, on va dire, ce que la psychanalyse avec les enfants lui avait appris. Les autres psychanalystes ont pu être d'immenses théoriciennes, ont écrit des livres, évidemment, mais des livres assez difficiles, et n'ont pas tellement eu à cœur de populariser, oui, mais au meilleur sens du terme, ce que la clinique leur avait appris. D'ailleurs, vous aimez bien en parler de Françoise Dolto en disant que c'est une psychanalyste dans la cité. C'est elle qui se définissait comme une psychanalyste dans la cité. À un certain moment de sa vie, elle avait déjà de nombreuses années de pratique, et au moment où elle a créé les Maisons Vertes, dont on parlera peut-être, elle l'a définie en disant « je suis une psychanalyste dans la cité ». Ça veut dire « je sors de mon cabinet, oui, et je m'adresse à tout le monde ». On va parler de ce qu'elle propose, de sa vision, mais avant de nous expliquer cette vision qu'a Françoise Dolto du rapport idéal entre l'enfant et le parent, parlons, Caroline Liachef, du contexte de cette France des années 50 dans lequel débarque Françoise Dolto. Où en est la France à ce moment-là par rapport à l'éducation des enfants? Déjà, elle a commencé à pratiquer pendant la guerre. Elle s'est installée à la fin de la guerre, mais déjà, elle avait reçu les enfants orphelins de guerre, etc., etc. Et donc, à cette époque, l'éducation, c'était l'éducation, on va dire, d'avant, c'est-à-dire une éducation plutôt de dressage. Voilà, tout ce qu'on savait, tout ce que, je ne sais pas quel âge vous avez, mais tout ce que vous avez peut-être vécu vous-même. C'est-à-dire où l'obéissance occupait une place extrêmement importante et où il s'agissait, pour résumer, disons, de dresser un enfant. Ouais. La bonne éducation, élever, hein, on disait élever, élever ses enfants. Alors, Dolto, quand elle arrive dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'elle propose? Si vous aviez à résumer, je sais que vous n'aimez pas le terme recette Dolto, mais en tout cas, le terme méthode Dolto, mais sa vision, la vision Dolto. Non, recette, méthode, il n'y a pas. Sa vision, c'est une vision de l'enfant comme un être de désir, un être de langage, un être qui comprend quel que soit son âge et un être à qui on doit s'adresser comme on s'adresse à tout être humain, quel que soit son niveau à lui de langage. C'est-à-dire, la première idée est que ça n'est pas parce qu'un enfant ne parle pas encore du fait de son âge, qu'il n'a pas de possibilité de compréhension. Ça, c'est une première chose. Et l'autre idée, celle qui probablement a choqué le plus, c'est de dire que l'enfant est un être de désir à égalité avec quelqu'un qui serait un adulte. Ça ne veut pas dire que l'enfant, le nourrisson, est un adulte en miniature. Mmh. Mais ça veut dire qu'au niveau de ses désirs, il est à égalité avec l'adulte. Alors, ça a été assez mal compris. Mais il n'empêche que je pense que c'est le point le plus important. Oui, si mal compris que, je le disais d'entrée de jeu, certains lui reprocheront d'avoir en quelque sorte créé l'enfant roi. D'abord, elle n'a rien créé du tout. Et ensuite, c'est un contresens absolu. C'est-à-dire que, certes, l'enfant roi existe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il existe. C'est vraiment lui attribuer une sorte de toute-puissance de penser qu'elle aurait créé l'enfant roi. Et donc, c'est un contresens absolu, car au contraire, tous ces, on va dire, ces principes d'éducation consistaient à mettre des limites aux enfants, ces limites qu'elle a appelées, avec un terme assez malheureux, qu'elle a appelées les castrations symboligènes, autre terme qui a été assez mal compris. Ouais. Mais il s'agissait à chaque fois et à chaque âge de la vie de mettre des limites au désir de toute puissance de l'enfant pour que justement il puisse passer d'une étape à l'autre. Alors, si vous voulez, ce qui a été difficile, c'est qu'au moment où les parents devaient écouter les enfants, etc., etc., et où on a considéré que l'épanouissement de l'enfant était une valeur ultime, comment faire pour éduquer les enfants différemment? Et nombre de parents ont confondu cet épanouissement avec le fait de ne rien lui refuser. Oui. Mais en aucune façon, ça n'est ce que Françoise Dolto disait. Elle disait exactement le contraire. Donc, grande incompréhension. Un contresens, si vous voulez, qu'il faut analyser. C'est pourquoi y a-t-il un tel contresens? J'ai pas d'explication ultime, si vous voulez, mais il n'empêche que les personnes qui promeuvent ce contresens en profitent largement pour exprimer leurs propres idées, ouais, en mettant sur le dos de Françoise Dolto ce qu'ils considèrent comme un des mots de notre époque, et qui n'est pas faux, d'ailleurs. Ouais. Ce qui fait que cette petite révolution, quand même, qu'elle propose, cette résistance à ses idées font que longtemps, elle va un peu, entre guillemets, prêcher dans le désert. C'est dans les années 70, vraiment, que Françoise Dolto va devenir quelqu'un de très connu et d'écouté. Et il y aura le livre, Le 4 Dominique, qu'elle publie en 71, qui va vraiment contribuer à ce succès qu'elle va avoir. Que raconte ce livre-là, Caroline Liachef, et pourquoi il est si important dans le parcours de Françoise Dolto? Alors, le cas de Dominique raconte l'histoire d'une cure, et c'est tout à fait étonnant, mais comme d'autres cures, et en particulier celle de Freud, il s'agit d'un échec. Il faut quand même le reconnaître. Et donc, il s'agit de raconter par le menu comment un garçon lui est amené et ce qu'elle va faire avec lui. Et donc, d'une certaine manière, ce livre est le premier livre important, enfin celui qui a eu du succès. Il est extrêmement difficile. Il a été, je pense, très bien considéré par ses pairs, par les psychanalystes. C'est pas celui qui a eu le plus grand succès public. Mmh. C'est pas le cas Dominique qui l'a véritablement fait connaître. C'est plutôt les émissions de radio. Ouais. Bon, on en écoute justement un extrait de ces émissions de radio. Entre 1976 et 1978, Françoise Dolto participe à l'émission de Jacques Pradel « Lorsque l'enfant paraît ». Mais sa question précise est la suivante. Voilà, elle a un enfant, un garçon de 10 mois, et elle dit « Mon fils est boudeur ». Moi aussi, je n'arrive pas à me contrôler. Comment faire? J'en souffre. Oui. Eh bien, ce fils est boudeur parce qu'il est comme elle. C'est tout à fait normal qu'il soit comme elle. Je pense que si cette femme veut vraiment guérir de sa bouderie, c'est son enfant qui va l'aider. Parce qu'il lui montre comme ça le tableau de ce que c'est d'être boudeur. Et évidemment, ça fait souffrir les autres et ça fait, oui, aussi souffrir beaucoup le boudeur. Alors, la bouderie, je crois que si elle souffre de ce que son enfant est boudeur, elle pourra peut-être faire un travail rapide avec elle-même. La bouderie, c'est un travail à faire avec soi-même quand on se sent envahi par cette espèce de sentiment de détresse qui fait que on est tellement, il y a une espèce d'humiliation reçue par un événement quelconque et qui fait qu'on s'est ratatiné dans le fond de sa coquille et qu'il n'est plus question d'en sortir, parce que si on en sort, on rencontre son propre visage qui est humilié d'avoir réagi aussi vivement et aussi profondément. Je crois qu'elle pourrait faire ce travail intérieur et elle-même en rire. Parce que, en fait, si elle arrive à rire de sa bouderie, ça sera tout de suite fini. Alors, quel impact aura cette émission « Lorsque l'enfant paraît » qui est diffusée à France Inter de 1976 à 1978, Caroline Aliachef? Alors, d'abord, un impact fantastique pour une émission, comme vous venez de le dire, qui n'a duré que 2 ans. Ouais. Donc, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais en France, par exemple, quand il y a un grand match de foot, eh bien, la France s'arrête. Ouais. Eh bien, pendant 2 ans, au moment où les émissions de Françoise Dolto passaient, parce qu'il n'y avait pas de podcast à l'époque, pendant 10 minutes, eh bien, la France s'arrêtait. Huh. Voilà, on écoutait Françoise Dolto. Et tous ceux qui ont écouté ces émissions s'en souviennent et en parlent comme si c'était hier. Ouais. Donc, ça a eu un impact incroyable. En même temps, il y a des critiques qui ont dit, comme elle est téméraire, de répondre en direct à des cas qu'on lui soumet sans connaître le détail de ces cas-là. Alors, oui, elle a été extrêmement critiquée, en particulier par ses pairs, probablement aussi assez jaloux, ça c'est moi qui le dis. Alors, elle ne réagissait pas, contrairement à ce que vous dites. C'est-à-dire que le dispositif était le suivant. Les personnes écrivaient des lettres, et des lettres parfois très longues, jusqu'à 40 pages. Mmh. Donc, quand vous dites qu'elle ne savait pas le détail, si, elle savait le détail, oui. Mais tout n'était pas dit à la radio. Et donc, ces lettres étaient lues et sélectionnées par sa fille, Catherine, ce qui était dit à la radio, les sujets qui étaient traités concernaient plusieurs personnes, et donc elle répondait à des cas dont elle savait beaucoup plus que ce qui était dit à la radio. Oui. Le pari, si vous voulez, c'était que en répondant personnellement, ça pouvait intéresser d'autres personnes. Et ça, elle n'en était pas du tout sûre au début. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, vous écoutez quelque chose, par exemple, l'exemple que vous venez de citer, la bouderie, et vous vous dites, ah ben moi, zut, alors, quand je boude, peut-être que je pourrais faire ce petit travail intérieur. Ouais. Alors que je n'ai pas écrit à Françoise Dolto et que finalement, j'y avais pas tellement pensé. Donc, on revient à cette fameuse image hein, de psychanalyse dans la cité. Cette participation à cette émission, c'est vraiment dans cet esprit qu'elle le fait. autre... Elle a beaucoup hésité à le faire. Elle disait qu'elle ne connaissait pas l'angoisse et qu'au moment où elle a dû décider de le faire, elle a ressenti, peut-être pour la première fois de sa vie, l'angoisse. Donc c'est vous dire que ce n'était pas si simple. Ouais. Vous parliez un petit peu des Maisons Vertes. On l'écoute justement. Ça va être vraiment une partie importante du legs qu'elle nous laisse. On l'écoute en parler à l'émission Apostrophe au micro de Bernard Pivot en 1987. Il fallait donc, à mon avis, créer quelque chose où l'enfant pourrait au jour le jour ventiler toutes ses émotions grâce à des personnes qui mettraient des mots sur ce qui se vit de pénible et de joyeux, d'intense, et qui, à cause de ça, est stressant parce que c'est trop. Et que ça donne les insomnies, ça donne toutes les maladies fonctionnelles des enfants qui sont un langage. Tout est langage chez l'enfant. Et pendant 15 ans, j'ai rêvé une maison verte avant que nous puissions la réaliser, grâce à l'une d'entre nous, psychanalyste qui était d'origine assistante sociale, qui connaissait beaucoup de gens à Paris, des associations de quartier, qui cherchaient à faire un lieu pour que les mères qui se dépriment à être seules avec leurs enfants en ayant quitté leur travail brusquement, qui vivent avec un petit avec qui elles ne savent pas parler, qui s'angoissent, etc. Et nous avons trouvé dans le 15e une association de quartier qui voulait bien s'associer avec des psychanalystes. Et c'est pour ça que nous avons créé la maison verte. Il y a combien de mères et d'enfants en même temps ? Eh bien, figurez-vous que nous arrivons dans ce moment à 50 enfants par jour, donc 50 parents aussi. Ouais. Vous voyez, dans un local qui n'est pas très grand et où ça bourdonne d'activités et de plaisir d'être et de peine et de joie, mais qui se ventile du fait que les personnes d'accueil et les mamans parlent avec l'enfant. Nous parlons aux enfants de ce qu'ils vivent. C'est anonyme. On ne sait pas ni le nom, ni le statut économique et social, ni le métier des parents. Ils sont là en tant que maman ou papa d'un tel. C'est tout. Alors, quelles différences vont faire ces maisons vertes, Caroline Eliachev, dans la vie de ceux et celles qui les fréquentent? Écoutez, ça, il faut leur demander. Mais ce qui est tout à fait incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il y a des maisons vertes, non seulement dans tous les quartiers de Paris, ce qui est quand même la moindre des choses, mais dans toutes les villes de France et à l'étranger, dans énormément de pays. Alors, ce qui est aussi incroyable, si vous voulez, c'est que comme chacun de ces lieux d'accueil parents-enfants ne s'appelle pas la maison verte, ça s'appelle l'aparté, ça s'appelle enfin, toutes sortes de noms, on ne sait plus que l'idée vient de Françoise Dolto. Voilà, alors les gens qui en profitent, ce sont tous les gens qui, tous les jours, ou une fois par semaine, ou pendant 6 mois, ou pendant 8 mois, viennent, des femmes enceintes, des femmes avec leurs bébés, des pères, des grands-mères, des nourrices, des assistantes maternelles, qui viennent là avec les enfants, et qui en profitent. Une espèce de sas, si on avait à la définir, cette maison verte. Alors, la première idée de Françoise Dolto, c'était d'en faire un lieu de prévention de ce qu'elle appelait, et de ce qui est toujours, ce qu'elle appelait les séparations normales de la vie. Qu'est-ce que c'est, les séparations normales de la vie? C'est l'entrée en crèche, c'est le séjour chez les grands-parents, c'est l'entrée en maternelle, ou éventuellement les hospitalisations, ouais. Ce qui n'est pas forcément normal dans une vie, mais qui peut arriver. On va parler un peu du Québec parce qu'il y a un lien assez fort qui unit Françoise Dolto au Québec. Au milieu des années 80, elle va faire un séjour au Québec. Elle va en tirer un livre, Dialogue québécois. On l'écoute en parler à l'émission Il fait toujours beau quelque part en 1987. On retrouve le travail que j'ai fait quand je suis allée au Canada il y a 3 ans et que j'ai été reçue par les psychologues de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et où j'ai été... au contact comme ça du monde canadien de l'aide psychologique à leurs enfants et ensuite avec des psychanalystes, des rencontres avec des psychanalystes canadiens qui n'étaient pas seulement avec des enfants, aussi avec des adultes. Les enfants avaient la voix à la parole beaucoup plus qu'en France et ça m'a beaucoup... La pédagogie en général qu'il y a au Québec m'a beaucoup intéressée et j'ai cru y voir quelque chose qui avait profité de l'expérience anglo-saxonne. Alors, quelle importance aura pour Françoise Dolto son séjour québécois, Caroline Eliachev? Alors, pour moi, les dialogues québécois, c'est un de mes livres préférés de Françoise Dolto. Et puis, j'ai vu aussi, parce que ses conférences ont été filmées, donc je les ai vues. Écoutez, moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'elle vous a bien secoué. voilà, je crois que, comme elle le dit, hein, elle a apprécié votre façon de faire, qui effectivement était, pour nous tout à fait appréciable. Et en même temps, elle a bien secoué les psychanalystes, ou plutôt elle les a remis, disons, dans ce qu'elle considère vraiment comme la psychanalyse, et pas de la pédagogie, et pas de l'éducation des enfants. Pour moi, c'est un livre essentiel. Enfin, c'est vraiment un de ceux que je préfère. Oui. Parlons un petit peu déjà de l'héritage qu'elle nous laisse. Il y a les maisons vertes qu'on a très concrètement, dont on a parlé. Plus largement, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette si grande figure, très, très populaire, donc, à nouveau, dans les années 70-80, un peu oubliée, non, aujourd'hui? Oui et non. C'est-à-dire, bon, d'abord, quand quelqu'un meurt, la plupart des gens, que ce soit psychanalyste, philosophe, mathématicien ou autre, vivent une période d'oubli, c'est assez normal. Et si vous voulez, tous ceux qui ont profité, entre guillemets, de Françoise Dolto et qui actuellement encore travaillent, ils ne se réveillent pas tous les matins en disant « je dois ça à Françoise Dolto ». Ouais. Elle a enseigné, elle a transmis à toutes sortes de gens, pas seulement les psychanalystes, tous les personnels qui s'occupent de l'enfance. Donc il y a énormément de personnes qui ont profité de cet enseignement et qui s'en servent. Mais juste, ils ne disent pas, quand ils sont avec quelqu'un, ils ne disent pas « voilà ce que je vous dis, vous savez, je l'ai appris de Françoise Dolto ». Donc c'est une diffusion, j'ai envie de dire, par capillarité, ouais, encore extrêmement importante, mais effectivement, on n'en parle pas tous les matins. Mais de quelle manière, concrètement, vous l'avez vu pratiquer, on disait d'elle que c'est une clinicienne de génie, de quelle manière elle a laissé sa marque très concrètement, qu'est-ce qui a changé, par exemple, dans la façon dont on s'occupe des enfants aujourd'hui avec cette vision, cet enseignement de Françoise Dolto? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon dont elle pratiquait elle-même et les consultations qu'elle donnait avec une assistance. Donc, nombreux ont été ceux qui ont assisté à ces consultations et qui l'ont vu faire. Ça, c'est un premier aspect. Et puis, il y a les contrôles qu'elle faisait, soit individuels, soit collectifs. Individuels avec des psychanalystes qui venaient raconter eux-mêmes les problèmes qu'ils avaient et avec qui elle travaillait, et collectifs auprès de toutes les personnes qui occupaient une fonction professionnelle vis-à-vis des enfants. Ouais. Donc, à cela, elle répondait aux questions qu'ils se posaient et aux difficultés qu'il rencontrait. Donc voilà, il y a énormément de personnes qui ont profité d'elle, au meilleur sens du terme, de façon différente. Caroline Eliashev, on aurait pu continuer comme ça des heures et des heures, psychanalyste, pédopsychiatre, auteur du livre Françoise Dolto, Une journée particulière, récemment publié chez Flammarion. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Dulon. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.